17h10, on adore Grégoire avec Séquent. After Job avec Francky l'après-midi. Heureux de vous retrouver avec les 23-24 degrés qu'il fait en ce moment. Ça fait du bien de retrouver le soleil. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, qui n'êtes pas parti en vacances, qui êtes sorti du boulot là. Bon courage à vous si vous rentrez à la maison. Si vous êtes encore au taf, vous nous écoutez sur le net aussi, Radio Arc-en-Ciel. Vous tapez sur le moteur de recherche Google dans la voiture 96.2 FM. Et salut aussi à tous les nouveaux bacheliers qui sont là. Il y a Aurélie qui a eu le bac. Félicitations Aurélie. Séverine aussi. Véro, bravo à Véro, Vicky aussi, voilà, Steve, eh ben bravo. Si justement vous voulez passer le message à l'antenne, féliciter votre enfant, ou alors vous personnellement, eh bien vous m'appelez 02 38 43 48 00 et puis on fera une petite dédicace pour tous les nouveaux bacheliers, puis aussi les autres examens, hein, les CAP, les BEP. Si vous avez passé votre examen, vous l'avez eu, eh bien appelez-nous 02 38 43 48 00. Du son caliente qui arrive à 17h11. Ah, ça sent la mer, ça sent le sable chaud, l'air marin. Voici Lucenzo qui arrive et là c'est Don Omar. Rios del Sol, Don Omar, Soledad, heureux d'être avec vous, Benoît qui nous dit depuis Saint-Jean-de-Bresse, salut Francky, merci de nous apporter du soleil, et bah du soleil en voilà encore avec le tube de l'été, tout le monde en parle, tout le monde fait la chorégraphie, voici Master Cacci, le remix de la radio arc-en-ciel, Jérusalem, ça c'est le gros carton de l'été, je peux vous le dire. Y'all, I'm mami, oh, un gana. Kilo no lo sé, su mami, oh, un gana. Ali, un gana, su mami, oh, un gana. Kilo no lo sé, su mami. Ça c'est forcément le carton de l'été, Master 4G avec Jérusalem. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Courage à vous, José qui est rentré du boulot. Salut Francky, ça fait plaisir de te retrouver. Et puis bah oui, on va se retrouver tout en douceur au bord de la piscine, peut-être pour certains, au bord de la plage, avec la prise des Boys Town Gang. Écoutez, ça c'est sur toutes les radios en ce moment. C'est tranquille quand on sort du taf comme ça fait du bien. I love you, baby. I'm not afraid to die. love you baby, I love you baby, je vous aime les bébés. C'est la traduction des Boys Sans Gomme en 84, belle reprise 2021 pour ce summer show, l'été 2021. Sera chaud, c'est ce que dit Météo France, les canicules qui vont pas tarder à arriver. Justement, on va parler de météo pour demain, et ouais. La météo. La météo pour demain. Bah, au lieu du jour, c'est plutôt pas mal, hein. 16 degrés. Ça va déjà chauffer. On va dépasser les 27-28 degrés. Samedi, du soleil sur toute la France. Et ça va faire plaisir. Et vendredi, par contre, le ciel est menaçant. Et il y aura quelques gouttes de pluie. Donc, voilà. Préparez votre barbecue plutôt samedi soir que vendredi soir. Ça, c'est un conseil de Frankie. Hi, baby. I love you. Ça arrive. Et puis, on adore ce titre Pitbull avec Josie Ayman. Habibi, I love you, I need you, Habibi, mon Habibi, I love you, I need you, Habibi, la vie ne compte pas là. Mon pays, des mondes de temps, j'ai rêvé de ton amour dans mes nuits. Au creux de tes bras, je n'ai besoin de rien. Comme dans un rêve où je me sens bien. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Oh, ya habibi, bella, haram alik, khalini wahdi fiyam. Yemchi min aïni, nom min khouf ali. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie n'est rien quand t'es pas là. I play this game closely for the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they gonna have to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart, till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie ne rien compte pas là. Mais quand ton regard a croisé le mien, comme le soleil à chaque matin, tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Oh, ya habibi, la la, haram alik, khalini wahdi fiyam. Yemchi min aïni, nom min khouf ali. Habibi, I love you, I need you. Il y a tout le monde là, il y a Pitbull, il y a Kenza Farah, il y a Shafri, Ahmed, pour vous donner du soleil, le meilleur des souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis peut-être pour vous, bientôt le départ en vacances, c'est ce que dit Stéphanie sur Facebook. Francky, je me barre en vacances samedi matin de bonne heure. Ah, direction l'île de Ré. Ah, c'est beau l'île de Ré. Et bien justement, on t'accompagne avec le soleil tout au long de cette fin d'après-midi. Avec les bons souvenirs latinos, voici Jesus Figaro. C'est du soleil caliente et 96 de FM. Puis si vous avez un message personnel, un dédicace, c'est bien 02 38 43 48 00. Via Porto Rico, jusqu'à l'île de Cuba, ou Santo Domingo, ça sera une combina. Suivez sur le tempo, des congas de la part, pour payer son show, ça sera une combina. Entrez dans la hueta, j'annonce la paix, tout le monde a sa chance. J'enchaîne par Béa, ça vaut comme. Ça vous met dans l'ambiance. Alors je Bah ça va, c'est compté, Rondo Stress, Salsa Latina, avec les bons souvenirs, et on a dansé là-dessus, hein. Isis Figaro, Salsa Latina, heureux d'être avec vous, Francky dans la radio, coucou à Roger du côté de Saint-Jean-de-Brest, salut Francky, belle journée, bah belle journée la famille, Makassi qui arrive, et premier gaou. L'After Job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Changer de côté, oh. Wari bana, elle a changé de copain, oh. Nangene, nangene, wa. Nangene, nangene, wa. Dieu merci pour moi, eh. Je savais chanter un peu, oh. J'ai fait ma cassette, oh. On me voit à la télé, oh. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio. Antoine Michel a dit les gars où a percé, oh. Attends, je fais partir le coupé, oh. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est gnataou. On dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est gnataou. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte. À ma grande surprise, oh, c'est la Coran, tout je vois. Oh. On s'embrasse et dit, oh, y'a longtemps, c'est plus le vieux. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé. Oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens. Oh. Rends-moi cadeau, fais ce que tu veux. Oh. Et on dit, premier gaou n'est pas gaou. Oh. Deuxième gaou qui est gnataou. J'ai dit chérie cocoé, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit poulet brisé, oh. Quand on te dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est gnataou. J'ai dit chérie cocoé, ce poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman brisé, oh. Je vais te donner, oh. Les genoux d'éléphant, oh. Tu vas manger, oh. Nangene, nangene, wa. Nangene, nangene, wa. Elle est fâchée qu'elle s'en va à la maison. Si elle va à la maison, population va me tuer, oh. Je lui ai demandé pardon, oh. Elle a accepté, oh. À un moment donné, elle a tout gâté, oh. Elle est quittée dans poulet, elle s'en va dans un loco. C'est pas compliqué, oh. C'est plantation de bananes, oh. Tu vas griller, oh. Au lieu de fourchette, oh. Ça peut pas bien piquer, oh. C'est avec gâteau, tu vas manger, oh. 17h31 avec une belle reprise des Magic System, bah, Makassi, les premiers gaou. C'est en 99 que le Magic System, on avait découvert ce groupe, hein, avec leur carton premier gaou. After Job avec Francky l'après-midi. Allez, jusqu'à 19h, je suis avec vous. Puis du côté de Paris, ça se passe plutôt pas mal. Une bonne idée, tiens, une séance de cinéma flottante pour lancer le Paris Plage 2020. Ça va être une bonne initiative. Pourquoi pas faire ça chez nous, dans le Loiret, sur la Loire. Pourquoi pas une expérience de cinéma insolite, hein, qui marque l'ouverture de la saison estivale à l'occasion de 2020 Plage. Alors une projection du film gratuite depuis un bateau sur le bassin de la Villette dans le 19e arrondissement. Ça va être plutôt sympa. Une flotte de 38 bateaux électriques qui accueille entre 2 et 6 personnes sera mise à disposition pour la projection du film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Voilà une bonne idée. Pourquoi pas sur Orléans, hein, au bord de la Loire, dans le Loiret, une projection de la Loire, comme ça, en bateau, ça serait plutôt sympa. Une bonne idée que je soumettrai, tiens, à Martine Griveaux, qui est responsable du tourisme, la présidente à Orléans, qui sera bientôt mon invité. Je soumettrai l'idée, tiens. Une bonne idée, tranquille comme ça, dans un bateau, sur la Loire, en train de se battre un film. Très très bonne idée, ouais, j'en ai des idées, hein. J'en ai encore plein à vous filer. Et puis du son que vous adorez en ce moment, et je sais que vous l'adorez cette fille. Elle s'appelle, vous la connaissez, la son French, Dead Sharon. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé amoureux, pour nous ce n'était qu'un jeu. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais, ton cœur est tout ce que j'ai. Et dans tes yeux tu tiens. Je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes, mais nous nous aimons. Luttant contre le temps, je sais que tout ira pour nous deux. Chérie, tiens-moi la main, suivons notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir. Tout en écoutant notre chanson, je crois en ce que je vois. J'ai rencontré le bon. Eh ouais. Oui, tu. Parfait, elle est parfaite, elle est superbe cette chanteuse, hein. Sarah H, la prise de Sharon. Parfait. On l'adore à la radio et c'est vraiment un gros coup de cœur. Lui aussi on l'aime, Angela, la reprise de Science Super Crew. Le gros carton pour Attic. Voici Angela, 17h35. Ah, vous avez eu le bac vous aussi, bah, félicitations, alors on va en parler à l'antenne justement. Ton visage me dit quelque chose. J'ai déjà croisé dans la ville. Je vais pas te mentir, j'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y prends mon tel. Quand tu veux t'appelles, je serai à l'hôtel. Dans un nuage de fumée, je te vois derrière les vitres teintées. Ce soir je vais quitter rinté. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Je crois que ton corps me rappelle des souvenirs d'un. Est-ce que ça te dérange si je conduis vite ou est-ce que... est-ce que t'aimes le danger? N'aie pas peur, non, non, j'ai pas de cœur, ouais. Mais j'prendrai soin de toi comme la recette d'un braqueur, ouais, ouais. Atikio, pas homme de soupe, mais homme de soupe. J'fais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu, tu vois le Porsche. J'suis en dessous, j'suis dans le zoo. Mais t'es la seule que j'laisserai me descendre à petit feu. Angela, appelle-moi ce soir. Et j'démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et j'démarre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et j'démarre de la zone. Ce soir, Angela, je débarque de la zone, hein. C'est ce qu'il dit à Tic, les gros sons caliente. On adore, sur Radar Franciel, 17h38, Maître Gims, à la noire, encore en ce moment, qui a passé un message de soutien, justement, pour toutes les boîtes de nuit en France. Voici le remix de Gims. Je suis la plus vivante que la vie n'est qu'un pire. J'ai testé. Gims sur Radio Arc-en-Ciel. J'ai fait ce qu'il fallait. Puis elle aussi, elle est à l'antenne avec nous. C'est Annabelle, on la prend tout de suite. Ouais, l'antenne, c'est bon. After Job. Pas les relous. Avec Francky, l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a comme relou à la radio des fois? Salut Annabella, bonjour. Bonjour Francky. Non, je disais, on la prend l'antenne, oui, c'était un jeu de mots. Hein, ils ont bien compris. Ouais, c'était on a bien compris. C'était sympathique, Annabella. Hein. Toujours. J'ai vu passer un poste, je suis heureux, ma grande fille a eu le bac, alors le bac de quoi hein? C'est un bac professionnel qu'elle a décroché et puis bah du coup elle s'engage dans un BTS en alternance. Ouais. Je suis très très fière de ma bébé. Et ça fait c'est pas facile. Ouais. La période était extrêmement compliquée pour elle, mais voilà, elle a joliment décroché son bac et je suis très très fière d'elle. Alors ça fait quoi alors elle fait quoi en ce moment? Elle va faire la fête ce soir un petit peu avec la famille? Bah là elle est en train de conduire à ma place. Ah, elle est en train de conduire. Eh ben félicitations. Elle s'appelle comment la jeune fille? Ça s'appelle Sarah Hélène, ma grande fille. Eh ben, on lui fait plein de bisous, puis on la félicite alors. Elle doit être heureuse, là. Vous avez fait une petite fête ce soir en famille, à la maison? Eh ben oui, exactement. Eh ben voilà, hein, exactement. Ça va être bien. On va dignement fêter ça. Eh ben, profitez, justement, il y a du beau temps, donc aujourd'hui, profitez, puis demain, il y aura encore exactement. Du beau temps. Exactement, on va en profiter, et puis samedi soir, on remettra ça avec toi. Eh voilà, bah, samedi soir, on va faire la fête avec nous, hein. Je vous fais plein de bisous, les amis. Bisous, à bientôt. Belle conduite, faites attention sur la route, hein. Soyez prudents. Okay. Merci Francky, à bientôt. Merci, au revoir. En direct à la radio, si vous aussi, votre enfant, il a eu le bac, ou alors il a le CAP, le BEP, je sais pas, n'importe quel examen, vous m'appelez, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard, et puis on adore ce standard. Ouais, je le kiffe mon standard. Du son qui arrive avec Christophe Maé, bah ouais, ça va vous rappeler quelques souvenirs, ça. On s'attache, pas tout de suite, peut-être tout à l'heure. Voici Maé sur Radio Arc-en-Ciel, 17h43 minutes. Pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurai toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serai même plutôt pour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, d'un chef de file, j'en ai pas le profil. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. J'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Le quotidien, ça me tue, ça me tient, ça me fait mal. Rien de plus normal. Que tu t'enfiles dans la ville et faut pas que tu dépasses. À chaque fois que tu reskies, mais t'es qui? T'es pas normal. On s'attache et on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche. Elle le kiffe, hein, les filles, celui-là. Hein. Christophe Maé, on s'attache, le meilleur des souvenirs. Il y a Stéphanie qui me dit, ma fille Émilie aussi, elle a eu le bac avec mention bien. Ah, bravo, Émilie, du côté de Olivier. Voilà, si vous voulez passer à l'antenne, 02 38 43 48 00 d'Adjou. Et c'est ma reine sur Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pinkos, j'irai, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Si

Allez, Arc-en-Ciel, c'est vrai que c'est une destination de rêve, hein. Bora Bora, Tahiti, ah ouais, le soleil, la plage. Bah, demain, le soleil sera bien présent sur toute la région, ça fait plaisir. On va dépasser les 26, 27 degrés. Jeudi, pareil, hein, il va faire beau, c'est vendredi, ça va se gâter un peu. Samedi, grand soleil, donc samedi barbecue pour tous, hein. Du son qui arrive, on aura les meilleurs des souvenirs avec Aretha Franklin et Fink sur Arc-en-Ciel. Bonne fin d'après-midi, 17h52. Il y a Muriel qui félicite son neveu d'avoir eu son bac, voilà, nouveau bachelier, c'est ce qu'elle dit. Et il s'appelle Arthur. Salut Arthur, félicitations pour le bac en direct à la radio. Puis le meilleur des souvenirs, toujours avec Aretha Franklin, le remix 2002 et Fing. Contactez-moi 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel.

sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. Surgi comme une fée, l'air enjoué comme la princesse. Il y a tout le monde là, Jimmy Cassel, Hayaman, Mike Lele sur Radio Arc-en-Ciel. On est heureux de vous retrouver, on est en direct et ça me fait plaisir jusqu'à 19h, c'est Francky dans la radio. Pour être mon invité, contactez-moi 02 38 43 48 00. Ouais, si vous êtes mon invité, on parle de vous à la radio, ça fait du bien de parler de soi. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. Voici le tout nouveau Master 4G après Jérusalem. Alors, eh bien, il revient. Ah ouais, une furie encore pour l'été 2020. Écoutez ça, c'est une tube. C'est un tube, je vous le garantis. La suite de Jérusalem, c'est ça. Écoutez en direct. Na mela o baiser les bobos. Maria Roncel, je sens que Master KG va nous faire danser tout l'été avec ce titre Id Be Ouya. C'est pas facile à prononcer. Hein. Et je vous le dis, dans 3 jours, il y a l'album du collectif Métissé qui sort, Party Fiesta. À l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver plein de belles reprises, notamment YMCA, Cotana et Joe, encore Alexandre et Alexandra. Et puis, le tube aussi de l'été qui arrive avec le collectif Métissé. L'album sort dans 3 jours. On est en exclusivité. Voici Damé El Reggaeton et Damé Kudolo, le tout nouveau collectif Métissé sur la console. Écoutez, c'est l'exclu radio. Dans les bacs, ça sera dans 3 jours le nouvel album du collectif Métissé Party Fiesta, un album plein de surprises, hein, plein de reprises aussi, et puis festif comme on l'aime, faire la fête au bord de la piscine, peut-être vous en ce moment du côté de d'Argelès. Salut à Grégoire qui nous envoie un petit message, qui nous écoute sur internet, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui nous écoutent sur le net, et puis vous aussi qui sortez du boulot là, peut-être fatigué, éreinté, et bien voici une belle reprise, je te promets, des Gypsies avec Jojo qui nous a quitté il y a 2 ans bientôt. Bah ouais, ça passe. Ça passe, belle reprise des Gypsy Kings. Vas-y, je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes peines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour te porter en croix. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés, écrits comme à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine en beauté, je te promets mon monde bien vrai de douceur, pas toute la nuit mais quelques heures. No lie, no lie, no lie, no lie, no lie, no lie, no lie. Je me disais encore, il manque un Lolaï, Lolaï, Lolaï, les Gypsy Kings qui reprennent Johnny. Je te promets, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, 18h16. Demain, maillot de bain pour tout le monde, hein, jusqu'à 27 degrés. Et puis, Rodrigo, est-ce qu'on a reçu souvent au téléphone à la radio avec cette belle reprise de Bruel? Je vous le dis quand même, on vous aime à la radio. Demain, 27, 28 degrés, maillot de bain pour tout le monde. Hey, Rodrigo Ace! No había peor lugar. Total para decir que a lo mejor te vas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sonreír o llorar? Hey, I love un basket. Comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas, oh, oh, oh. Comme dans une série B, on est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Nada me suena muy original. Sé bien que je l'ai trop dit, aunque no esté bien. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on sait pas dire. Oh, certains rigolent déjà. Oh, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de fin à notre histoire. Suena muy original. Sé bien que je l'ai trop dit, aunque no esté bien. Je t'aime. Appelle le 02 38 43 48 00. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Allez, on ciel avec le Brésil, Alex Ferrari, Bala Bala, qui a eu la passation de pouvoir il y a quelques jours, là. Alors, le coronavirus, on sait qu'il est toujours là. On a vu quelques vidéos quand même plutôt rigolotes, entre guillemets, si ça peut nous faire rire. Pas de masque, hein, pas de distanciation sociale, des embrassades, des poignées de main à confusion. Les passations de pouvoir dans les ministères ressemblaient très fortement, pour la plupart, à celles du monde d'avant. Eh ouais, eh, c'est ça le bien, le problème. Donc, deux poids, deux mesures. C'est bien ce que je disais. En direct à la radio, avec du son qui arrive tranquille dans la radio jusqu'à 19h pour vous servir. Caliente. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Sous ses airs de señorita, latina au goût de salsa, tu as la chaleur de l'été. Oh, son latino, ton déhanché commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. Bachata et merengue, t'es sur la piste et en rythme tu danses. Sur cette mélodie qu'a dansé, c'est le moment de tenter ma chance. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar y tener tu corazón. Que te quiero, que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin, tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu droit tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre nous rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, ton droit tombé du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes, y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Là,

Radio Conciel, le meilleur des souvenirs latina avec Clemente, Elvis Crespo, quel bon moment latino, comme ça qu'on dansait à l'époque. Toujours, on danse toujours, hein, au bord de la piscine, peut-être vous qui rentrez au bout du boulot là ce soir, fatigué, bah, du soleil toujours et encore. Puis aujourd'hui, c'est la journée internationale du baiser. Alors on est mal tombé parce qu'on est en plein Covid, c'est vrai qu'il faut pas trop s'embrasser, mais bon, on vous fait plein de gros bisous virtuels comme ça. Allez-y, balancez sur les réseaux sociaux des bisous virtuels jusqu'à minuit. C'est la journée internationale des bisous. Ou du baiser. Ah ouais, on y va. Avec le meilleur son, Caliente et les bons souvenirs aussi. Juan Magan et Maria. Maria sera l'arc-en-ciel. Que me trate a su manera, de palabras sinceras, que me dé la vida entera. Maria got some brava, that beauty bon flava. She wears some Prada, Dolce & Gabbana. Ella no es mala, solo picará en la cama. La mujer latina llama, Dominica de Alabama, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. Maria, Maria, te quiero cada día más. Ay, yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero cada día más. María, María, que yo no sé cómo explicarte más, pero que siento el verdadero amor. Como pudiera convencerte ya, cómo explicar, cómo decirte mira, yo te quiero, yo te adoro. A su manera, de palabras sinceras, que me dé la vida entera. Maria got some brava, that beauty bon flava. She wore some Prada, Dolce & Gabbana. Ella no es mala, solo picará en la cama. La mujer latina llama, Dominica de Alabama, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. Maria, Maria, te quiero cada día más. Ay, yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero cada día más. María, María, ay, yo no sé cómo explicarte más, pero que siento el verdadero amor. Como pudiera convencerte ya, cómo explicar, cómo decirte mira, yo te quiero, yo te adoro. Radio Arc-en-Ciel, vous êtes peut-être en vacances du côté de l'Espagne, du Portugal. Vous nous écoutez sur le net, radioarc-en-ciel.fr. Ouais, le meilleur du son latino. Et puis aussi le meilleur des souvenirs Boule à Facette en 1984. Tiens, pour José qui nous écoute du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. À l'époque, il nous disait, moi je chante en boîte. Ouais, à l'époque, ça va revenir, t'inquiète pas, José. Voici Charade avec Give Me the Funky Music. We'll be right back. 1984, ça va pas nous rajeunir tout ça avec Charade, Gimme the Funky Music, sous la boule à facettes là. Vous tapez du pied là déjà dans la voiture, je vous sens motivé pour danser la funk devant la glace à l'époque, ça faisait du bien. Et puis demain, des températures plutôt positives, hein, jusqu'à 28 degrés, ça c'est la très très bonne nouvelle. Du soleil demain encore toute la journée sur la région d'Orléans et un peu de tendresse dans ce monde de Walt. Une belle reprise. Non, rien de rien, je ne regrette rien, la version de Dana Kill. No regrets at all, baby. We have no fear 'cause we're right on here. I will be there. Tell them what you got to say, Dana Kill. Tell them. No. No way. Rien de rien. No, no way, like I would say. No. Je ne regrette rien. Yeah, you gotta have no fret, y'all. Ni le bien qu'on m'a fait. Have no regrets. Ni le mal, yeah, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, non, non, non, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. J'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Whenever you call tonight, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, yeah, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Don't fret, y'all. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, each and every day, aujourd'hui, right along, ça commence say, avec toi. Now hear this, so you can trust in me, and I'll be trusting you, and that's exactly how I know it's gonna be, baby. You I love the most, and of course I will tell you, but I have no regrets for loving you. 'Cause I see that you're interested in me, baby, and I always put my interest in you, yeah. Yeah, what I see is I never make you blue, never turn my back on you. Never, never do that in any way. I would tell you, say no regrets. I may say no, no regrets. And I say that, I say it over and over and over again. Yeah, baby, stick them all the better. I will tell you when I wanna see you again. So I said never. Never, never, never, never, never would I ever, ever, ever do that again, baby. Turn my back on you, I never make you do what I would tell you, say. No, no, no, no, no, no, no, no, no regrets. Yeah, none at all, I tell you. I give you my respect and you give me your respect. If that's right and direct, tell you. But I see that I need you so, and I would never let you go. You I love her, not another human being, but I would never, ever, never, never, to be sure. Pour être mon invité, contactez-moi 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel. Yeah.

Job avec Frankie aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Tienes a capela, enséñame, no tengas pena, mira. I'ma pay you one more time, yo te doy la gasolina. The way I do it, yeah. And flowing on that conduit, call me Papi Chulo. Tell me no way, dame uno. Bang, mami, vamalos. Dale, dale, culo. Bang, chula. Booty, no basura. This is history we making with Daddy Yankee and Ori. Name another rapper messing with reggaeton before me. Cállate, suavemente, tranquilo, bendito. Toma tu gasolina. Tengo algo pendiente. Tú me debes algo. Job avec Franky l'après-midi. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se faire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime. J'espère tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel. Il m'entend pas, mais pas le ciel. Pour moi, quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Je brille l'hiver, tu t'en vas. Ni tous les citoyens, ni la mer, ni le soleil, c'est éclaté. Et je suis sincère, je t'écoute tout ça. Mais toi le ciel, tu n'entends pas. Mais toi le ciel, est-ce que t'es là? Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Muito boa tarde, são 6 horas, 5 nos Açores.